Chapitre 19 Fête pour l'adoption de Gaspard. Gaspard exécuta fidèlement les ordres de M. Ferréor. Les lettres d'invitation furent prêtes en 2 heures grâce à la presse qui fit la besogne de 20 personnes. Gaspard et André mirent les adresses. Les lettres furent distribuées entre 6 hommes intelligents qui partirent à cheval dans toutes les directions pour porter les invitations dans un rayon de 20 à 25 kilomètres. La poste emporta les lettres à destination plus lointaine. Le banquet fut commandé à Paris chez un grand restaurateur qui s'engagea à tout fournir et à envoyer du monde pour le service de la table. Les ateliers, débarrassés de leurs machines, furent transformés en vastes salles de festin. Des guirlandes de fleurs, entremêlées de couronnes de chêne et de laurier, entouraient des inscriptions à la louange de M. Ferréor. À chaque atelier, on avait mis au-dessus de la porte son buste couronné avec les inscriptions les plus flatteuses. De tous côtés, on voyait écrit en fleurs ou en feuilles de chêne et de laurier « À notre père, à notre bienfaiteur, au soleil bienfaisant du pays, au roi des cœurs, au génie, etc. » M. Ferréor avait surveillé et dirigé l'arrangement et les inscriptions des ateliers qui ne devaient être ouverts qu'au moment du banquet. L'usine des cuivres et des zincs fut particulièrement soignée et ornée. Le jour de la fête, il fit un temps magnifique. On était à la fin de mai. Avant l'arrivée des invités pour l'expérience des toiles cuivre et zinc, tous les ouvriers et fournisseurs des usines se rassemblèrent dans la grande prairie devant les ateliers. Un coup de canon annonça l'arrivée de M. Ferréor, accompagné de Gaspard. La voiture s'arrêta au milieu de la prairie. M. Ferréor descendit lestement, malgré ses 70 ans. Gaspard se plaça à sa droite. Les cris et les vivats des ouvriers furent arrêtés par un signe de M. Ferréor, qui annonça qu'il voulait parler. « Mes amis, mes enfants et messieurs, je vous remercie des témoignages d'affection que vous me prodiguez. Si je vous ai été assez utile dans ma vie pour que vous me regardiez comme votre bienfaiteur, j'ai le droit de vous demander de reporter une partie de votre reconnaissance sur ce jeune homme, qui se tient modestement à mes côtés et qui m'a si bien servi. Il reçoit aujourd'hui la récompense de son zèle, de son dévouement et de son intelligence. Il est devenu mon fils, l'héritier de ma fortune et de ma gloire. C'est le fils de mon cœur aussi bien que de mon esprit. Il partagera à l'avenir mon autorité et vous lui devez tous respect et obéissance. » M. Ferréor ouvrit les bras. Gaspard s'y précipita et y fut longtemps retenu par son père adoptif. Après cette étreinte, M. Ferréor le prit par la main et le conduisit dans tous les rangs des ouvriers qui applaudissaient, qui battaient des mains et qui riaient en dessous de l'exhibition théâtrale que subissait Gaspard. « Voilà mon fils, je vous présente mon fils !» répétait M. Ferréor. Quand tous les rangs furent parcourus, quand l'acte d'adoption présenté par le notaire fut signé, M. Ferréor, donnant le bras à Gaspard, se dirigea vers la grande route, suivi de tous les ouvriers, et alla à l'église où l'attendaient le curé, le clergé des environs et une nombreuse réunion de chantres. Ces derniers entonnèrent un tédéum retentissant, pendant lequel le curé, escorté du clergé, mena messieurs Ferréor, père et fils, dans le chœur où on leur avait préparé un prie-dieu et des fauteuils velours et or. La foule avait déjà envahi l'église. Au premier rang, on avait placé le père et la mère Thomas et Lucas. Une messe basse commença et fut écoutée avec respect et recueillement par tous les assistants. Gaspard, en présence de Dieu bon et miséricordieux, qui l'avait protégé et amené à la gloire qu'il ambitionnait, fut vivement touché. Il pria et se sentit le cœur ému de reconnaissance et de joie. Après la messe, le curé fit une quête pour les pauvres, afin, dit-il, qu'eux aussi puissent participer à la joie générale. M. Ferréor mit dans la bourse un billet de 1000 francs. Le curé faillit tomber à la renverse à la vue de cette générosité inattendue. Gaspard donna 100 francs. Les pauvres profitèrent ainsi de l'adoption de Gaspard et pour la première fois vantèrent la générosité de M. Ferréor. Après la messe, on retourna aux usines. Le notaire se plaça devant une grande table qu'on avait préparée dans la prairie. Et là, chacun put signer comme témoin l'acte déjà signé par M. Ferréor Gaspard, le père et la mère Thomas et Lucas. Un premier déjeuner fut servi sur les tables qui avaient été préparées tout le long de la prairie. Il y avait une collation abondante et pour tous les goûts. À 11 heures, les invités des environs étant arrivés, M. M. Ferréor les engagea à se rendre à la nouvelle fabrique pour assister à l'expérience du cuivre et du zinc rendu malléable comme la toile. Quand chacun fut placé, on fit voir et toucher des feuilles de cuivre et de zinc. Ces feuilles, reconnues dures et roides, comme le sont tous les métaux, furent trempées dans un bassin de pierre qui contenait la préparation chimique. La feuille fut ensuite placée dans une mécanique. Elle fut saisie par des tenailles qui la tirèrent et détirèrent si bien que, peu de minutes après, elle formait une pièce de toile cuivre qui fut roulée comme une étoffe et mise entre les mains de tous les assistants. On fit de même pour le zinc. Tout le monde fut dans une admiration sincère de cette belle et utile invention. Dans un moment de tumulte causé par l'empressement de ceux qui voulaient voir et toucher, M. Ferréor serra la main de Gaspard et lui dit tout bas « Ta gloire est ma gloire est la tienne ». Gaspard lui répondit « Comme vous me récompensez en m'accordant le droit de vous appeler mon père ». Le père et la mère Thomas pleuraient de joie et d'orgueil. Chacun leur faisait compliment sur le fils qu'ils avaient cédé à M. Ferréor, mais qui restait toujours leur fils. « Michel, c'est vous, père Thomas, qui avez bien élevé vos garçons. En voilà un dans une fameuse position. Et votre Lucas, quel brave garçon! Et comme il est entendu pour les travaux de la terre, savez-vous bien que votre ferme a doublé de valeur par la manière dont il la cultive, car c'est lui qui dirige tout maintenant ?»« Thomas, ma foi oui, je me fais vieux, j'ai de quoi vivre, et je lui ai dit, mon garçon, tu aimes la ferme, prends-la à ton compte, je te la donne, ce sera ta dot. » Michel, fameuse dot, et n'avez-vous pas eu un héritage de la cousine d'Anet ? Thomas, oui, un fameux, j'en ai tiré 150 000 francs. Je vis avec ça, sans me gêner. Michel, vous avez bien mené, bien calculé votre affaire, père Thomas. Un garçon pour faire fortune et l'autre pour faire marcher la ferme. Faut-il que vous ayez poussé Gaspard à l'étude pour qu'il soit devenu savant comme il est ? Thomas ne répondait pas. Il savait comment le pauvre Gaspard avait soutenu la lutte contre lui, combien il avait été grondé et battu pour sa constance au travail de l'école. Il savait que Lucas aussi avait été maltraité à cause de son goût prononcé pour l'agriculture, et que si l'affaire marchait si bien, c'était au courage et à l'excellent caractère de Lucas qu'il le devait. Le voisin Michel se mit à rire. « Michel, vous ne parlez pas, père Thomas. Je sais bien ce qui vous tient. Vous ne voulez pas avouer le nombre de coups que vous leur avez donnés pour les faire ce qu'ils sont. Dis donc, Lucas, les as-tu comptés ?» Lucas, riant. « Ce serait difficile. Peut-être ne saurais-je pas compter si loin. » Michel. « C'est égal. Il est arrivé à ses fins, tout de même. Voyez donc Gaspard, a-t-il l'air heureux, lui, qui a toujours l'air sérieux et préoccupé? Et le vieux père Ferréor, paraît-il content? Je ne l'ai jamais vu avec le visage réjoui qu'il a aujourd'hui. C'est qu'il a fait une belle découverte, avec ses drogues dans lesquelles il lave son cuivre et son zinc. Fameuse lessive, on pourrait s'en faire des habits et des blouses, tant c'est moelleux. Thomas, mais que va-t-il faire de ces toiles en métal? Michel. « Ma foi, je n'en sais rien. Demande à Gaspard, qui est dans la boutique. » Thomas. « Gaspard ne dit jamais rien. On ne peut en rien tirer. Et puis, il est tout à son affaire. On ne le voit pas. » Michel. « À quoi s'amuse-t-il donc? Car il faut bien qu'on s'amuse de temps à autre. » Thomas. « Ma foi, je n'en sais rien. Son plaisir est de travailler aux ateliers, de surveiller les ouvriers, de causer avec monsieur. » Michel. « Beau plaisir de causer avec ce vieux sournois. On ne le voit jamais sourire. » « Pauvre Gaspard, dites donc, père Thomas, vous ne lui avez pas fait une belle vie tout de même ?» Thomas. « Ah, c'est bien lui qui se l'est faite soi-même. Il l'a voulu, il l'a. Et puisque ça lui plaît, personne n'a rien à y voir. » Michel. « C'est juste. Tiens, qu'est-ce qu'ils font donc ?» On entendit une musique à effet qui précédait tous les contremaîtres marchant deux à deux. Arrivés devant messieurs Ferréor, père et fils, ils leur présentèrent deux coupes en vermeil, artistement travaillées, qui portait les inscriptions d'usage. À notre maître vénéré, la gloire de l'industrie, ses ouvriers reconnaissants. À notre jeune maître, l'espoir de l'industrie. André lut, au nom des contremaîtres et des ouvriers, un petit discours bien fait et bien dit. M. Ferréor accepta les coupes, remit à Gaspard celle qui lui était destinée, et dit « Mes amis, je suis très sensible à votre hommage, et je l'accepte pour moi et pour mon fils. » À l'avenir, vous lui obéirez comme à moi-même. Il est digne de vous commander. Nous allons nous rendre à la salle de banquet et notre premier toast sera pour nos bons et laborieux ouvriers. Le vôtre sera pour mon fils et pour moi, qui resterai ce que j'ai toujours été, votre bienfaiteur et votre ami. Bravo, bravo ! Cria-t-on de toutes parts. Ces cris et bien d'autres se prolongèrent jusqu'à ce qu'on eût perdu de vue M. Féréor et l'héritier de sa gloire. Gaspard était si heureux, si ému, qu'il ne songea ni à son père ni à son frère. Il n'avait dans l'esprit que sa position actuelle, avec les avantages immenses qui dépassaient tout ce qu'il avait désiré et espéré. Chapitre 20. Premier attendrissement de Messieurs Féréor, père et fils. Toute la journée fut une suite de triomphes et d'ovations. Vers le soir, M. Féréor paraissant fatigué, Gaspard lui proposa de se retirer. M. Féréor y consentit. « Je suis en effet très fatigué, mon ami. Va dire qu'on attelle. » Gaspard ne tarda pas à revenir et annonça que la voiture serait prête dans peu d'instants. Quand le cocher avança, Gaspard ouvrit la portière, aida M. Féréor à monter et se plaça près de lui. « M. Féréor, que fais-tu donc, Gaspard ? Va t'amuser encore, on va tirer un superbe feu d'artifice. » Gaspard, permettez-moi, mon père, de vous accompagner. Vous savez que je me trouve plus heureux près de vous que partout ailleurs. M. Féréor, viens alors, mon enfant. Moi aussi, je t'aime. Moi qui n'ai jamais aimé personne, je me sens le cœur remué par ta tendresse et par tes soins. Je suis heureux de ton bonheur. J'aime à t'avoir près de moi. En un mot, je t'aime. M. Féréor, en disant ces mots, sentit ses yeux humides. Lui qui n'avait jamais versé une larme, il se sentit ému. Son attendrissement toucha Gaspard. Il vit qu'un autre sentiment que l'ambition et l'intérêt personnel avait gagné son cœur. Sa reconnaissance était devenue une affection réelle et profonde. Cédant à cette émotion, il saisit la main de M. Féréor et, se jetant dans ses bras, il l'embrassa à plusieurs reprises. Tous deux versèrent des larmes dans les bras l'un de l'autre. « Gaspard, mon père, mon cher père, quelle journée vous venez de me faire passer !»« Monsieur Féréor, et quelle bonne fin d'une bonne journée, mon cher enfant !»« Gaspard, quelle gloire vous avez acquise en ce jour, mon père !»« Monsieur Féréor, et c'est à toi que je la dois. Je le reconnais avec orgueil. Jadis, j'aurais été jaloux de ta découverte. Aujourd'hui, je m'en enorgueillis. Je m'applaudis de t'avoir choisi pour fils. Nous voici arrivés. » « Viens prendre possession du logement que je t'ai fait préparer. Tu y compléteras ce que j'aurais oublié. » Le père et le fils s'installèrent chacun chez soi. Leurs chambres étaient près l'une de l'autre. Celle de Gaspard était bonne et ne manquait d'aucun meuble essentiel. Il n'était pas difficile, du reste. Le luxe était inconnu chez M. Féréor. Un lit passable, une commode, une table, un fauteuil et deux chaises formaient tout l'ameublement du père comme du fils. M. Féréor avait de plus un grand bureau à cylindre et un meuble à tiroirs pour serrer des papiers. Gaspard se coucha si heureux qu'il fut longtemps sans dormir. Après avoir repassé dans sa tête tous les événements de cette heureuse journée, il pensa qu'il était enfin arrivé à son but. Les millions qu'il avait désirés dès son enfance lui étaient assurés, sa position dans les usines dépassait toutes ses espérances, les affaires l'occupaient et ne laissaient pas de place à l'ennui. Il aimait bien réellement son père adoptif, mais il sentit avec peine que cette affection n'était pas encore le bonheur, que quelque chose manquait à sa complète satisfaction. « Je ne sais pourquoi, pensait-il, ma vie ne me semble pas encore assez remplie. Je suis pourtant arrivé au but de mes constants efforts, je suis maître de mon avenir, mon nouveau père m'aime bien réellement, de moi seul dépend la solidité et même l'augmentation de l'amitié qu'il me porte. » Comment reconnaîtrais-je toutes ces bontés ? Dans ces moments qui devraient être les plus heureux de ma vie, pourquoi mon cœur n'est-il pas encore rempli ? Où trouverais-je la satisfaction complète qui me manque ? Où est la tranquillité qui donne le parfait bonheur ? Ma reconnaissance pour mon bienfaiteur me procure seule quelques instants de calme. Ma vie, jusqu'à présent, n'a été remplie que par le travail. L'ambition qui m'a poussé sans cesse vers le but que j'ai atteint ne me laisse qu'un bonheur incomplet. Il me faut plus encore. Les goûts, les idées et les habitudes de ma famille sont opposées aux miens. Elles me deviennent de plus en plus étrangères. Pouvait-il en être autrement ? Si là, du moins, j'avais un ami qui eût toute ma confiance, auquel je pourrais demander des consolations et des conseils. Mais je ne connais pas l'amitié. Une liaison dans les ateliers pouvait sinon me perdre, du moins me compromettre. La messe de ce matin m'a laissé une singulière impression que je ne puis définir. Il me semble avoir mal employé mon temps jusqu'ici. Pourtant, j'ai toujours été honnête. Mon assiduité au travail et mes services m'ont donné la situation à laquelle je suis parvenu. Que pouvais-je faire de plus que ce que j'ai fait? Enfin, la fatigue finit par l'emporter sur l'agitation et il dormit jusqu'au lendemain. Il attendit pour aller chez M. Ferréor qu'on y fût entré. Au premier bruit qui se fit entendre, Gaspard entra doucement et trouva M. Ferréor éveillé et reposé. M. Ferréor, aussitôt que nous serons prêts et que nous aurons déjeuné, mon enfant, nous irons aux usines. Il y aura bien à faire pour y remettre de l'ordre et recommencer le travail. André et Bernard auront de quoi s'occuper. En attendant le moment du départ, Gaspard, d'après l'ordre de son père, dépouilla la correspondance, c'est-à-dire qu'il ouvrit toutes les lettres, mit de côté celles qui regardaient l'usine et les affaires, et remit à M. Ferréor les lettres particulières. « Mon père, nous lirons tout cela en voiture, si vous voulez bien. Ce sera du temps de gagner. » « M. Ferréor, très bien, mon ami. C'est ce que je fais toujours. Je vois avec plaisir que tu as les mêmes idées que moi. » « Gaspard, c'est que ce sont les meilleurs, mon père, et qu'à force de vivre avec vous, je prends un peu de vous. » M. Ferréor sourit. Il n'était pas insensible à la louange. Quand ils furent en voiture, chacun de son côté se mit au travail. La lettre que Gaspard avait réservée pour la dernière excita son indignation. « La lui lirai-je » se demanda-t-il, « ou faut-il n'en pas parler ?» Après quelques minutes de réflexion, il vaut mieux la lire à mon père, bien qu'elle me soit adressée. M. Ferréor avait terminé sa correspondance particulière. Il regarda Gaspard et de son coup d'œil perçant, il vit de suite que quelque chose le tracassait. « M. Ferréor, qu'y a-t-il, Gaspard ? Tu as l'air contrarié. » « Gaspard, vous ne vous trompez pas, mon père. Je le suis très fortement. » « Monsieur Ferréor, de quoi s'agit-il ? » « Gaspard, la lettre que voici est de M. Frolichen. » « Monsieur Ferréor, encore ? Mais cet homme a le diable au corps. Comment il ose écrire après avoir été renvoyé, chassé comme un chien ? » « Gaspard, il n'est pas fier. Vous allez voir ce qu'il propose. » Gaspard lit. « Mon cher ami, Mina vous a fui à la belle cérémonie d'aujourd'hui. Elle vous trouve drès à son gré. Je vous propose encore une fois de vous la donner en mariage. Dites à votre baba que s'il me repousse encore une fois, que je ruinerai son industrie. Je trouve mieux que vous pour le guifre et le zinc. Je gagne la moitié de la main d'œuvre. Si vous foulez Mina, notre industrie marquera exemple. Je vous ne ferai pas de rivalité. Nous serons ensemble et bons amis. Si vous refusez, je vous ferai une guerre enrachée, rebondée, fite et bien. Alors, j'irai parler avec vous dans 2 jours. Bien, le bonsoir, mon cher ami. Je vous envoie un échantillon de ma doile, guivre et zinc. Frolichen. Gaspard se tut. M. Ferréor était livide. Après avoir examiné l'échantillon et après un assez long silence, il demanda à Gaspard de relire cette lettre. M. Ferréor. C'est clair, il a perfectionné notre invention, et il la coulera. Mon triomphe d'hier sera détruit par celui de ce misérable fourbe. Et comment parer le coup ? Gaspard, il vous propose le moyen, mon père. M. Ferréor regarda Gaspard avec étonnement. M. Ferréor, mais ce moyen est impossible, mon enfant. Épouser la fille d'un gredin que tu méprises, que tu détestes, que tu as chassé de chez toi, chassé de chez moi, que ni toi ni moi ne pourront regarder sans haine et sans mépris. Gaspard, mais mon père, votre renommée, votre gloire. Monsieur Ferréor, écoute Gaspard, j'aurais non seulement accepté, mais demandé ce sacrifice, il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, il me serait trop dur, parce que, comme je te l'ai dit hier, tu as su réveiller mon cœur. Je t'aime, et je serai malheureux de ton malheur. Il s'arrêta quelques instants. Si du moins la fille était bien, murmura-t-il comme se parlant à lui-même. Cette pensée, échappée à la préoccupation de M. Ferréor, décida Gaspard à faire le sacrifice de son bonheur intérieur, du repos de sa vie, pour délivrer son père du malheur qui le menaçait. Il n'hésita plus. « Gaspard, mon père, il faut accepter la proposition de ce drôle. » « M. Ferréor, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu es fou ?»« Gaspard, non, mon père, je suis dans mon bon sens. Je prévois pour nous une série d'inquiétudes, de peines, de tourments, peut-être de malheur, dont nous sommes menacés par ce misérable. Vos intérêts sont les miens. Vous m'avez donné le droit de me sacrifier pour vous. Je le ferai avec empressement, avec joie, car moi aussi, mon père, moi qui n'avais jamais aimé, Je vous aime et je me sens malheureux et troublé à la pensée du mal que peut vous faire ce méchant homme. Croyez-moi, mon père, je serai plus heureux de vous donner ce témoignage d'affection pour conjurer les maux qui vous menacent que je ne le serai en me conservant libre et indépendant, mais témoin continuel de vos inquiétudes et de vos chagrins. » La surprise de M. Ferréor fit place à de l'attendrissement. « Mon fils, mon cher, excellent fils, s'écria-t-il. Mon Dieu, qu'il est bon d'aimer et de se sentir aimé. Je n'avais aucune idée de ce bonheur. En vérité, mon cher enfant, je ne sais si je dois accepter ton généreux sacrifice. Pense donc au mépris que nous avons pour cet homme, à la répugnance que nous aurons de nous trouver sans cesse avec lui, en contact d'affaires avec ce fripon, ce voleur. Gaspard, je le sais, mon père, je vous épargnerai le plus possible ce contact pénible et odieux. Vous me ferez connaître vos intentions et je les lui transmettrai. Monsieur Ferréor, et tu auras le courage d'appeler cet homme ton père ? Gaspard, non, ce serait trop fort. Je l'appellerai monsieur. On n'est pas obligé de donner à un beau-père le titre de père. Monsieur Ferréor, Gaspard, mon pauvre Gaspard, j'aurais fait ton malheur en voulant te rendre heureux. Gaspard, souriant. Non, mon père, je vous ai donné tout ce que j'ai de sensibilité dans mon cœur, et je serai plus contrarié que malheureux. Et quand je me sentirai trop irrité, je viendrai me consoler près de vous. Gaspard serra la main de M. Ferréor et dit « Je répondrai aujourd'hui même, et l'affaire, une fois commencée, nous la dépêcherons le plus possible. Que le mois ne se termine pas avant que tout soit fini. » M. Ferréor ne répondit pas, il était préoccupé. En arrivant à l'usine, ils furent surpris de l'ordre qui régnait déjà dans les ateliers. Les traces du festin et de toute la fête avaient disparu. La prairie était débarrassée des tables, des pièces d'artifice, des tentes, de la salle de bal. Les seuls restes de la fête étaient les nombreux lampions, globes et verres de couleur, accrochés aux arbres, et qu'on n'avait pas eu le temps d'enlever. M. Ferréor et Gaspard firent compliment aux ouvriers et contremaîtres de leur promptitude à rétablir l'ordre. Dans les ateliers, on avait également tout remis en place. « Personne ne s'est donc couché ?» demanda Gaspard. « André, personne, monsieur. » Après le feu d'artifice, on a recommencé à danser et à manger jusqu'à 2 heures du matin. Voyant qu'il ne restait que peu de monde et qu'on en avait assez, j'ai proposé de nous mettre tous à ranger et à rétablir l'ordre. Les gens du village nous ont donné un bon coup de main. On a travaillé à qui mieux, nos usiniers dans les ateliers, où je n'ai voulu laisser entrer aucun étranger une fois les machines et les engrenages montés. Les ouvriers terrassiers et les étrangers ont rangé en dehors. Et si ces messieurs étaient arrivés seulement 1 heure plus tard, ils auraient trouvé tout le monde à l'ouvrage. « Mon père, dit Gaspard, me permettez-vous d'annoncer que vous donnez une journée de repos qui sera payée comme si on avait travaillé ? Très bien, mon ami, j'allais te le dire. C'est étonnant comme nos idées s'accordent. » Gaspard sourit et chargea André de répandre cette bonne nouvelle parmi les ouvriers. Quand M. Ferréor et Gaspard eurent tout parcouru, tout inspecté, quand ils eurent encore admiré les toiles cuivre et zinc, M. Ferréor dit à son fils, « Gaspard, j'ai une proposition à te faire. » « Gaspard, je vous écoute, mon père, et à mon tour, je vous adresserai une demande. » « M. Ferréor, je crois convenable, mon fils, que nous allions tous deux voir tes parents. Hier, nous n'avons guère pu nous en occuper. C'est à peine si tu as eu le temps de les embrasser. Notre visite leur fera plaisir. » Gaspard, riant et baisant la main de M. Ferréor, « C'est incroyable comme nos idées se rencontrent. C'est tout juste ce que je voulais vous demander. »« Monsieur Ferréor, partons alors. Fais avancer la voiture, mon ami. » Ils montèrent dans le coupé qui les amena en peu de minutes à la porte du père Thomas. Lucas était au champ, mais le père et la mère étaient chez eux. Chapitre 21. Visite à la ferme et générosité de Monsieur Ferréor. Au bruit de la voiture, le père Thomas sauta de dessus sa chaise et courut ouvrir la porte. M. Ferréor et Gaspard descendirent de leur coupé. Après quelques instants de conversation, de félicitations et de remerciements, M. Ferréor dit à Thomas en souriant, « Père Thomas, je vous ai amené votre fils et mon fils, mon cher fils, qui désire vous voir et causer avec vous. Je vous le laisse pour vous donner plus de liberté. Gaspard, je te renverrai la voiture quand j'aurai besoin de toi. Ce ne sera pas avant 4 ou 5 heures d'ici. » Dîne avec tes parents, mon ami. Il y a des années que tu n'as mangé chez eux. Il faut que tu aies aussi ton congé. » M. Ferréor remonta en voiture, aidé de Gaspard qui lui serra la main et le regarda partir. « Excellent homme, dit-il en rentrant. Thomas, Tu l'aimes donc tout de bon, ce vieux bonhomme ? Gaspard. Mon père, ce vieux bonhomme, comme vous l'appelez, est mon bienfaiteur. Mon père, jamais sa bonté ne s'est démentie à mon égard. Jamais il ne m'a fait un reproche, jamais témoigné le moindre mécontentement. Depuis 9 années que je suis sous ses ordres, il m'a toujours bien traité, encouragé. Il m'a payé plus largement qu'il ne l'avait promis, plus généreusement que je ne le méritais. Et enfin, il s'est attaché à moi. Il m'a aimé, oui, aimé, et il a voulu devenir mon père. Voyez si je puis ne pas l'aimer aussi et lui être sincèrement dévoué. Thomas. Diantre, comme tu en parles avec feu, tu ne prendrais pas ma défense avec tant de chaleur. Gaspard sourit et voulut répondre. Mais pendant qu'il hésitait, Lucas entra. Lucas se jetant au cou de Gaspard. Gaspard, comment, voilà Gaspard. Quelle belle journée pour toi que celle d'hier. Je suis content de te voir et de causer avec toi un peu à l'aise. Gaspard, après l'avoir embrassé. Je dîne avec vous. J'ai congé aujourd'hui. Lucas, le premier depuis 8 ans. C'est une grande joie pour nous. Où est donc ma mère ? Thomas, elle ne tardera pas à revenir. Elle est allée apprêter un poulet, dénicher des œufs, chercher du beurre, des légumes, des fruits, enfin ce qu'il faut pour bien traiter Gaspard. Tu es habitué à une bonne cuisine. La nôtre va te paraître bien misérable, pas comme ton banquet d'hier. Gaspard, mon père, je ne tiens guère à la cuisine. Et je dînerai chez vous beaucoup mieux et plus abondamment que je ne dîne chez moi, où je suis sans cesse dérangé et pressé de travail. » Lucas engagea son frère à venir faire avec lui un tour dans les champs. Gaspard admira les progrès et les améliorations de la culture de son frère. « Y a-t-il longtemps, dit-il, que je ne me suis promené avec toi et que je n'ai revu ces champs que mon père me forçait à cultiver ?» Lucas, tu mènes une vie qui n'est pas bien agréable, ce me semble. Gaspard. Tout est agréable quand tout mène au but qu'on veut atteindre. J'ai, il est vrai, passé bien des nuits sans me coucher, bien des jours sans avoir le temps de manger. J'ai supporté des fatigues, des ennuis, des tracasseries sans cesse renouvelées parce que j'avais le désir extrême d'arriver. J'ai dépassé mon but grâce à l'amitié de M. Ferréor. Juge combien je lui dois de reconnaissance et vois que de ménagement j'ai encore à garder pour ne pas perdre ce que j'ai si péniblement acquis. Lucas, quel ménagement ! Personne ne peut t'empêcher de rester le fils adoptif de M. Ferréor. Gaspard, oui, sans doute, mais il peut faire de moi un fils déshérité. Et je dois, pour éviter ce malheur, continuer à lui complaire en tout, à me rendre nécessaire, indispensable, à entretenir par la mienne l'affection très sincère qu'il a conçue pour moi, et qui m'a réellement, agréablement impressionné hier, quand il me l'a enfin avoué. Ce pauvre homme, il m'a dit que j'étais sa première affection, et je l'ai vu pleurer dans mes bras. Ce triomphe est pour moi aussi agréable qu'inattendu. Lucas, le fait est qu'il ne passe pas pour être tendre. Gaspard, non, il ne l'est pas, et c'est pourquoi j'étais attendrie de le voir pleurer en m'embrassant et en m'avouant qu'il m'aimait. La joie, la surprise, la reconnaissance et aussi une affection sincère m'ont attendrie à mon tour, et j'ai pleuré comme lui. Et je dois dire que ces larmes, les premières que j'ai versées depuis que je suis sortie de l'enfance, m'ont semblé douces. Et il est très vrai que j'aime cet excellent homme, qui a tant fait pour moi, et qui a, je ne l'oublie pas, le pouvoir de détruire en partie ce qu'il a fait. Lucas, pauvre Gaspard, je comprends ta vie. Je n'en voudrais pas pour un empire. Gaspard, c'est que tu ne la comprends pas. Compare ce que j'étais avec ce que je suis. Je me vois encore, sortant d'ici en blouse, en sabots, timide, gauche, ne sachant rien. Lucas, comment rien ? Tu étais le plus savant de l'école. Gaspard. Pauvre science, je ne savais rien auprès de ce que je sais maintenant. Et me voici fils d'un millionnaire, commandant à des milliers d'individus, salué, obéi et respecté dans tout le pays, roulant carrosse, arrivant chez toi dans un équipage superbe, attendu et désiré chez moi, car j'ai un chez-moi maintenant, reçu avec un sourire amical et bienveillant qui m'annonce la solidité de mon pouvoir. Tout cela, vois-tu, est mon paradis en ce monde. Lucas. Un nouveau venu intelligent peut gâter tout cela et venir te supplanter près de ton nouveau père. Gaspard, non, j'y veille sans cesse, et j'y veillerai toujours tant que M. Ferréor vivra. Il a déjà eu plusieurs protégés intelligents que j'ai éloignés ou fait renvoyer. Lucas, comment as-tu fait ? Gaspard, en les surveillant strictement, en faisant ressortir les erreurs, les négligences presque impossibles à éviter, en redisant des paroles arrachées à l'impatience, à l'ennui. J'y suis toujours promptement arrivé et sans jamais avoir eu recours au mensonge. Il y en a un en ce moment qui m'inquiète légèrement. Il fait trop bien, mais il a un côté faible, c'est son cœur. Il aime bêtement ses parents, il les regrette, il les pleure, il perd du temps à leur écrire, il veut demander à s'absenter pour un mois, je ne l'en détourne pas, et c'est ce qui le perdra. M. Ferréor n'aime pas qu'on aime autre chose que l'usine et lui-même. Lucas, tu ne nous aimes donc pas ? Gaspard, si fait, je vous aime bien, mais j'aime 100 fois mieux mon usine. Lucas, ainsi, tu te trouves parfaitement heureux. Gaspard, parfaitement non. Outre la crainte de tout perdre, si l'affection de M. Ferréor venait à diminuer ou même à s'éteindre, je me sens comme un vide que je ne puis remplir. Je me demande quel sera mon avenir, pour qui et pourquoi je dois continuer à travailler, à m'éreinter, à m'agiter. Quelque chose me manque et je ne sais ce que c'est. Mais, ajouta Gaspard, après quelques instants de silence, ne penses-tu pas qu'il serait temps de rentrer ? Après dîner, je te parlerai de toi-même. Jusqu'ici, nous n'avons causé que de moi. Lucas, il n'y a pas grand-chose à dire de moi, c'est toujours la même vie. Mon père la gâte un peu par ses colères, il ne me touche plus, mais quand il a trop bu de gros cidre, ce qui lui arrive souvent, tu sais, il gronde encore ma mère quelquefois. Du reste, il se laisse mener assez volontiers. Les deux frères rentrèrent à temps, la mère allait mettre le couvert, Lucas courut l'aider. Viens aussi, Gaspard, viens me donner un coup de main. Gaspard y alla en souriant. Il aida gauchement et sans gaieté. Lucas s'en aperçut et soupira. Il n'est plus des nôtres, pensa-t-il. Ce n'est plus un frère pour moi, ni un fils pour mes parents. Gaspard réfléchissait de son côté. Quelle sotte vie ils mènent ici, que je serais malheureux s'il me fallait vivre avec eux. Quelle différence avec mon usine, quelle vie, quelle activité, quelle animation. Et combien je préfère M. Ferréor à mes parents. Chez eux, je me sens gêné, ennuyé. Et puis, le souvenir de mon enfance, de la dureté de mon père, de l'indifférence de ma mère, me met mal à l'aise. Dans tout ça, Lucas est le seul qui me tienne un peu au cœur, et encore, je m'en passe bien, je n'y pense pas, tandis que si mon usine me manquait, je serais comme un corps sans âme, et si mon père adoptif venait à me manquer, je me sentirais comme abandonné, comme un corps sans tête. La mère. Eh bien, Gaspard, à quoi penses-tu donc, les bras croisés et la tête penchée ? Gaspard. Rien, rien, ma mère. Je pensais à ma sortie de chez vous il y a 9 ans et au chemin que j'ai fait. La mère. Tu as bien marché, mon ami, et tu as été loin. Voyons, mettons-nous à table. Le dîner fut bon, mais il n'y eut pas de gaieté. Gaspard avait perdu l'habitude de rire. Lucas se sentait gêné. Les parents étaient mécontents de l'attitude un peu hautaine de Gaspard, qui les dominait par son intelligence hors ligne et par toute sa position de monsieur et de millionnaire, tandis qu'ils restaient cultivateurs, simples et grossiers comme devant. Après le dîner, Gaspard voulut encore sortir avec Lucas, mais la voiture vint le chercher. Il se hâta de faire ses adieux à ses parents et à son frère, et monta dans son coupé avec joie et empressement. « Où est mon père ? » demanda Gaspard en descendant de voiture. « Dans son cabinet, monsieur. » Gaspard monta l'escalier 4 à 4, et sauta plutôt qu'il n'entra dans le cabinet. Il prit la main de M. Ferréor, qu'il baisa et serra dans les siennes. « Gaspard, me voilà enfin de retour, mon père. Le temps m'a paru long. » « M. Ferréor, vraiment ? Tu me fais plaisir en me le disant, mon enfant. Je t'attendais avec impatience. » « Gaspard, et pourquoi ne pas m'avoir envoyé chercher plus tôt, mon père ? » « M. Ferréor, parce que je ne voulais pas te remuer ton congé, le premier depuis 9 ans. » et que j'ai voulu te laisser jouir de la présence de tes parents. Gaspard. Oh, quant à ça, mes parents, c'est vous. Ma joie, mon bonheur, c'est vous. Notre usine est ma femme. Nos machines sont mes enfants, et le tout réuni est ma vie. Vous voyez bien, mon père, qu'il est inutile de me donner des congés. M. Ferréor l'écouta avec un sourire si satisfait et le regarda d'un air si affectueux que Gaspard fut enchanté d'avoir si bien parlé. « Allons-nous écrire à notre mauvais drôle, mon père ?» dit Gaspard en s'asseyant en face de M. Ferréor. « M. Ferréor, Gaspard, j'y ai longuement songé. Je n'ai pour ainsi dire pas pensé à autre chose depuis que je t'ai quitté. Je trouve que la chose n'est pas faisable. Tu as 25 ans, tu as un long avenir devant toi. Cette femme et ce beau-père pèseront sur ton cœur, sur ton esprit, sur ton bonheur. C'est impossible. Je le répète, c'est impossible. Ce serait pour moi un trouble dont ma santé même souffrirait. N'y pensons plus, et tâchons de nous en tirer autrement. Gaspard, mon père, ces gens-là ne pèseront pas sur mon cœur, car je n'en ai pas pour eux, je n'en ai que pour vous. Ils ne pèseront pas sur mon esprit, parce que je ne m'occuperai du père que pour les affaires de l'usine. Ils ne pèseront pas sur mon bonheur, car je compte sur votre bonté et votre générosité accoutumée pour donner à la femme de quoi me laisser tranquille, n'avoir rien à me demander et n'avoir aucun contact avec moi. Le père sera pour nous un fripon comme un autre. Nous serons en affaire avec lui. Nous l'enverrons le plus possible dans les bureaux. Ce mariage nous donnera la sécurité que nous risquons de perdre. C'est un sacrifice que je vous ferai avec une véritable joie et dont, au reste, je profiterai comme vous. Monsieur Ferréor, mon fils, mon cher fils, pense donc que lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Tu ne connais seulement pas cette femme. Nous ne l'avons jamais vue. Elle est peut-être laide, bête, méchante, maussade, bossue peut-être. Qui sait ? Gaspard, tout cela ne m'effraie pas, mon père. Si elle est laide, nous ne la regarderons pas. Si elle est bête, nous ne lui parlerons pas. Si elle est méchante et maussade, nous la mettrons à part et nous ne nous en occuperons pas. Vous remplacerez la femme que je n'aimerais pas, et l'usine remplacera les enfants que je n'aurai pas, j'espère. Vous voyez que nous continuerons à vivre très heureux entre nous deux. Monsieur Ferréor, allons, puisque tu le veux, j'accepte ton sacrifice, mon cher fils. Et je ne te dissimule pas que tu combles mes vœux en acceptant ce mariage, dans l'intérêt de notre invention et de notre repos. Je te donne pour dot la moitié de ce que je possède, en t'imposant pour seule condition que tu ne me quitteras pas et que nos affaires seront toujours en commun sans que l'un de nous puisse faire une entreprise sans le consentement de l'autre. Gaspard, merci mille fois merci mon père, mon bon et généreux père. Gaspard lui baisa la main, Monsieur Ferréor l'embrassa avec effusion. Monsieur Ferréor, écris mon enfant, écris, et dis-lui de venir vite et de terminer vite, afin que nous soyons débarrassés de tous ces gueux et que nous reprenions notre vie tranquille. Moi, je vais écrire de suite au notaire de faire vite aussi mon acte de donation pour que tu saches ce que tu as. Mais tu peux annoncer 5 millions pour le moins, dont 2 en terres, forêts et maisons, le reste dans les usines et rapportant pour le moins 20%, c'est-à-dire 600 000 francs par an. La surprise de Gaspard amusa et réjouit Monsieur Ferréor. « Monsieur Ferréor, oui, mon cher fils, tu auras à toi 6 millions et autant après moi. »« Gaspard, oh mon père, c'est trop, trop de générosité, trop de fortune pour moi. »« Monsieur Ferréor, mon ami, tu sacrifies toute ta vie, et moi la moitié seulement de ma fortune. Lequel de nous donne davantage ?» Gaspard, vaincu par la joie, le saisissement, le bonheur, tomba à genoux devant son père et appuyant sa tête sur les genoux qu'il tenait embrassés, il versa des larmes qui enchantèrent celui qui les faisait couler. « Monsieur Ferréor, remets-toi, mon enfant, calme-toi, et fais ta lettre. » Gaspard essuya ses yeux, baisa encore la main généreuse qui consolidait sa fortune, et se plaçant en face de son bienfaiteur, il écrivit la lettre suivante. « Monsieur, mon père et moi, nous acceptons votre proposition. J'épouserai votre fille. Je ne demande pas à la voir ni à la connaître. Je l'épouse, vous savez comment et pourquoi. Vous serez notre associé au lieu d'être notre rival et notre ennemi. Grâce à la générosité de mon père, j'apporte en dot 5 millions rapportant 500 000 francs. Nous vous attendons pour tout régler et pour fixer le jour du mariage. Le plus tôt sera le mieux. J'ai l'honneur de vous saluer, Gaspard Thomas Ferréor. » Gaspard, souriant, « Voici mon père. Voulez-vous lire la demande en mariage ?» Monsieur Ferréor lut, sourit et la rendit à Gaspard. « Très bien, mon ami, cachette et fais partir. » Gaspard cacheta, sa main tremblait, Monsieur Ferréor le regardait. Quand il vit la main trembler, il se troubla et il dit à mi-voix « Pauvre garçon !» Mais il laissa partir la lettre qui condamnait Gaspard à un mariage odieux. « Va prendre l'air et faire un tour dans les ateliers, mon enfant. Voici, tout est en place, bien rangé. » Gaspard sortit. Tout était prêt à recevoir les ouvriers. Il se promena dans le bois. Après avoir marché quelque temps, il s'assit dans le berceau de houx qui avait si bien servi à lui faire atteindre son but. « Je le paye cher, dit-il, mais je le tiens. 5 millions, et autant après lui. Ce pauvre père, que Dieu me le conserve. Je l'aime réellement de plus en plus. Il est le seul être au monde que je puisse aimer. Cette créature que je vais épouser est sans doute laide, bête et maussade. Mon sacrifice est grand et cruel, mais je le devais à mon père, 100 fois plus paternel pour moi que ne l'a été mon propre père. À 25 ans, être enchaîné pour la vie et n'avoir plus personne à aimer qu'un père bien âgé, hélas. Le côté le plus pénible de ce mariage est le père, un misérable que j'ai mis à la porte et qui, après cela, a le sang-cœur de m'offrir encore sa fille. Encore une illusion perdue, un appui de moins pour l'avenir. Ce bonheur, que je ne trouvais pas complètement dans la fortune, j'espérais enfin le rencontrer dans les joies du ménage et de la famille. La satisfaction d'un grand devoir accompli peut seule, en ce moment, apporter un soulagement à ma tristesse. Il fait naître en moi pour la première fois des émotions qui ne manquent pas d'un certain charme, malgré l'amertume de mes autres pensées. Gaspard resta longtemps dans le berceau.